Vous êtes assez fou. 89.1. Désolé, j'avais mis le jeu sur pause puis la musique à loop pendant ce temps. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, un journal télévisé présenté par un robot au Japon. Dans Merci Science, les chercheurs ont trouvé des cellules de l'anxiété dans le cerveau des souris. Dans Célix, Intel présente ses lunettes connectées projetant une image directement sur la rétine. Et Frédéric Simon nous donnera un avant-goût de sa participation au LAN ETS dans De Notre Gamer Un Autre. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Voici celui dont la voix est projetée directement dans vos fantasmes, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 5 février 2018, la chronique télévisuelle Television, la section science, technologie et médecine, merci science et le segment geek CNX. Dans quelques instants, ça va être la rubrique, je dis rubrique maintenant pour varier les thèmes, les termes, tu sais, des fois chronique. Segment, tu fais le tour, t'inventes des mots, rubrique. Hein? Donc, sur les jeux vidéo rétro et des fois, sinon présent, avec notre ami Frédéric Simon, qui est avec moi en studio, qui est là pour réagir à mes mauvais gags. Salut. Allô. Ça va bien. Ça va bien, toi? Ben oui. Avec ta tuque de Batman. Oui. C'est j'ai gardé pour ma chronique. C'est très beau. Pour ma rubrique. Ta rubrique, ouais. T'as un peu utilisé les bons mots. C'est ça. Sinon, ça devient redondant comme une chanson de 6 minutes et demie sur le même beat. Ouais, mais ça, on met pas ça en intro parce que sinon, ça part mal un show. Ça part mal une petite émission de radio, là, comme ça. Merci à ceux qui ont toffé ça. Hein? Je la trouvais bonne, la pièce, mais j'avais pas vu qu'elle durait 6 minutes. Ça m'apprendra. Bref, de quoi est-ce qu'on parle dans ta chronique d'un autre gamer à un autre dans quelques minutes? Ben, je m'attends à passer une super belle fin de semaine à Montréal. Donc, pour le LAN ETS, je me tenais dans le coin du speedrun. Marathon de speedrun en fin de semaine. On dormira pas beaucoup. Eh non, mais ça va passer vite, hein? C'est du speedrun. Et voilà. C'est ça. Allons, c'est dans quelques instants, dans d'un autre gamer à un autre. Avant, par contre, je dois vous dire qu'on a débuté l'émission avec la très redondante Complex de Honey Wizard et qu'on va continuer ça avec une pièce qui provient de l'album Super Beat Sonic Extra Soundtrack par Scarlet Moon Records. C'est la trame sonore du jeu Super Beat Sonic qui est sorti en 2015, mais l'album vient tout juste de sortir. C'est l'album en 15 pièces d'artistes un petit peu partout dans le monde, dont un compositeur de Final Fantasy Tactics. On va commencer avec la pièce Select Start par Steven Silo. On écoute ça tout de suite au Mathieu Plante Show. Steven Silo avec Select Start sur la bande sonore Super Beat Sonic Extra Soundtrack. Et maintenant, c'est d'un autre gamer à un autre. Salut Frédéric! Allô! Comment vas-tu encore? Vraiment? Ça va très bien, surtout mieux que la semaine passée. Oui, et mieux que tantôt dans l'émission aussi. Ben c'est ça. Ça va toujours de mieux en mieux finalement. On l'espère. Ça finit jamais. Ça finit jamais de bien aller. Donc, chronique d'un autre gamer à un autre qui commence à l'instant. Je sais que tu as plusieurs sujets à aborder aujourd'hui. Oui, oui, ben oui. Ouais, oui. On commence par quoi? On va y aller tout de suite avec le gros morceau. Ah ouais, c'est, la viande, c'est le morceau. La viande. On commence par la viande, puis on finira avec le... avec quoi? Le dessert? La soupe? Des fois, je mange la soupe après le repas, tu sais. Ah, il y a ça. Faut varier des fois. On varie. Ouais. Sinon, ça devient redondant. Varie. Exactement. On parle de redondance sans cesse aujourd'hui, c'est le fun. C'est un peu redondant. C'est ça, exactement. C'est thématique. C'est thématique. C'est ça. Donc, en fin de semaine, l'ANETS à Montréal, à la Place Bonaventure. Donc, gros événement qui regroupe plusieurs activités, dont des tournois, beaucoup de tournois, League of Legends, Counter-Strike, Overwatch, Hearthstone, Rocket League, Super Smash Bros. Melee et Super Smash Bros. 4, StarCraft 2, Dragon Ball, Street Fighter, Call of Duty, beaucoup de tournois. Mais voyons donc, il y en a trop là. Trop de bonnes aventures à la Place Bonaventure. Et j'ai pas fini. Ben, passer tous ces tournois-là, ben, il y a un concours de costumade, pour ne pas dire attends cosplay. Un peu. J'ai jamais entendu ce mot-là. Costumade pour cosplay? Oui. C'est ce que l'Office québécois de la langue française suggère. C'est pas si pire. Alors, moi, je déteste ça. Ce mot-là. C'est comme marmelade. Ah, ben, j'aime pas marmelade non plus. Il y a des petits morceaux de fruits dedans. Dans ton costume, je parle, tu te déguises en le décor de en fanforme. Mais ouais, d'ailleurs, on dit, parce que j'ai été chercher la définition, le mot français, ouais, c'était vraiment costumade, et c'est dit que c'est rarement employé. Ben oui, j'espère. Donc, on préfère cosplay. Donc, concours de cosplay le samedi. Avec Paddington, l'ourson qui mange de marmelade va être là aussi. Peut-être, ce serait drôle qu'il y ait un Paddington au concours de cosplay. Je te mets là-dessus. Je vais passer mon tour si ça te dérange pas. Il y a des costumes beaucoup plus beaux et des gens beaucoup plus beaux aussi qui vont défiler. Sinon, ben évidemment, le coin speedrun avec la gang de No Reset dont je ferai partie en fin de semaine. Oui. Puis ça, c'est à part de quelques autres activités. Il y a des shows qui sont organisés. De par musique? Exemple, oui, show de musique. Le vendredi soir, c'est par une troupe de l'ETS qui font une espèce de petit mash-up de jeux vidéo. Et le lendemain, il y a une petite performance de l'orchestre de jeux vidéo. Ah, fun! Pour ceux qui n'ont pas réussi à se pogner des billets, parce que c'est cher aller voir l'orchestre de jeux vidéo, non? Oui, ben c'est quand même... C'est quand rare! Mais c'est que les billets partent très rapidement. C'est ça. C'est un peu la différence, mais c'est quand même assez relativement abordable pour un spectacle de qualité. Donc, j'ai jamais été personnellement, mais Rock, par exemple... Rock généreux, il va pratiquement à chaque occasion. De l'émission Matière Noire. Alors, exactement. D'ailleurs, Rock va aussi participer au tournoi de... Ben, en fait, pas au tournoi, mais au marathon de speedrun. Il va faire Pokémon Bleu en version glitchée. Donc, en une vingtaine de minutes à peu près, il va avoir terminé le jeu. Ouais. Puis, il va aussi faire Bomberman 64. Wow! Donc, du gros jeu en fin de semaine. Ouais. De mon côté, je vais participer au dimanche matin qui est thématique cartoon et animé pour enfants parce que je vais faire le jeu Power Rangers. Donc, notre ami Samuel Girard va aussi participer à cet événement. Il va aussi participer au dimanche matin cartoon avec World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck. Et il va aussi faire Chicky Chicky Boys. Ah, c'est deux de ses préférés. J'en entends souvent parler de cela. Oui, ben c'est notre blog Genesis. On est les seuls à venir de Genesis encore une fois au marathon. Donc, coudon. Les gens sont tous Nintendo? Sont quoi? Beaucoup de Nintendo. un petit peu de PC aussi, mais beaucoup de Nintendo. D'ailleurs, ça commence en force avec Super Mario 64, le marathon vendredi soir. Mm-hmm. Donc Super Mario 64 va avoir deux catégories, le 120 étoiles et le 1 étoile. Possiblement le 0 étoile si on réussit le glitch qui fait en sorte qu'on passe. Qui est plus difficile à avoir, ça là? Exactement. Le 1 star, c'est la stratégie backup. OK, OK. Si jamais ça pogne l'étoile que tu voulais pas pogner. C'est parce qu'il faut passer au travers d'une porte. OK. En passant à travers cette porte-là, tu peux te retrouver dans la zone pour aller... battre Bowser. Tout de suite aller chercher Bowser. Ouais. Mais sinon, il faut que tu passes par un tableau pour ensuite... aller battre le deuxième Bowser, ouais. En fait, puis c'est ça. Ça prend combien de temps faire ça? Il y a un estimé de 15 minutes. OK, OK. Fait que le plan B, on fait pas un reset et on recommence le plan A à la place? Hein? Non, non. Non, non, non. Non, non. OK, non. Ouais, OK. Quand même. Ouais. On a 15 minutes, là, c'est tout. Ouais, ça devrait se faire en bas de ça, ouais. Mais 15 minutes comme estimé. Ça va être suivi, ça, par Super Mario Odyssey. Donc, Colin, ils sont dans le récent, là. Oui, ben c'est... de toutes les sortes de jeux, mm-hmm. Des jeux de Switch. Donc, Super Mario Odyssey a un estimé de 120. de 1h20, en fait. OK, OK, OK. 1h20. Pas 120 minutes. Pas 120. 1h20. Qui est assez rapide. Oui, pour vrai, c'est un méga, méga gros jeu. C'est un méga gros jeu, mais qui se fait de plus en plus rapidement. D'ailleurs, le sub 1h doit s'en venir bientôt. J'ai pas checké récemment, là, mais je pense que ça tournait autour d'1h03, 1h04, le record du monde. Tout est rendu à 4 mois, je pense, pour le réussir. Oui, puis je l'ai toujours pas fini, donc on attend toujours de ce côté-là. Mais beaucoup de bons jeux, des blocs intéressants. Marc-Olivier Dumas va aussi participer, il va faire Mario Kart 8 sur Wii U. Il y a un super bloc de Mega Man qui va se faire aussi dans l'après-midi samedi. Et il y a un autre bloc Mega Man qui va se faire, celui-là, le deuxième, ça va être sur les premiers Mega Man. Donc on parle, en fait, tout sauf le premier, le 3, le 2, le 4, le 5, dans cet ordre-là. Eh ben. Le samedi, ça va être un bloc Mega Man X, donc... Mm-hmm. Ça ressemble à ça pour le No Reset. Si vous voulez si vous voulez venir au LAN ETS, vous pouvez toujours acheter des billets, c'est disponible à la porte pour les passes visiteurs. Sinon, vous pouvez suivre le marathon en direct sur la page Twitch de No Reset Marathon. Mm-hmm. Donc je vous invite à aller suivre cette page-là pour voir ce marathon en fin de semaine. Celui-là, c'est pas pour une cause, là. Oui, c'est encore pour une cause. C'est la même cause que la dernière fois dont on avait parlé. C'est le Répit Saint-Louis qui s'occupe des jeunes qui souffrent du spectre de l'autisme. Oui. Répipip, hourra. C'est leur slogan. Répipip, hourra. Fait que ça fait le tour pour le LAN ETS. Bonne fin de semaine à toi. Merci. Ben oui. Puis, écoute, la dernière fois, quand on s'est quitté, Nintendo avait fait une annonce qui était pour sortir comme quelques heures plus tard. Mm-hmm. Et cette annonce-là, c'était Nintendo Labo. Du carton. Du carton. Écoute, j'avais envie d'en parler avec toi. Ah, ce serait le fun, hein? Mais non, laisse faire, non. On va sortir des cure-pipes, je pense, pour le Nintendo Labo, non? En fait, c'est... On pourrait. Je trouve ça... C'est un concept intéressant. Mm-hmm. Je me demande à quel point ça va pogner. Je sais pas, c'est que c'est très cher. C'est des morceaux de carton avec un jeu qui vient avec et des instructions claires. Ça peut prendre 15 minutes comme ça peut prendre... je pense qu'il y en avait un où c'était 1h15, je sais pas pourquoi, à monter en général. Et tu peux décorer ça de la façon que tu veux. Ça vient avec tout. Il me semble que ça vient avec des autocollants. Oui, d'après ce que je vois, oui, ça vient avec tout. T'as des assemblages, il y a des affaires prédéterminées, mm-hmm. comme construire un piano, une canne à pêche ou une moto. Un gros robot. Un gros robot. Mm-hmm. Mais encore là, je sais pas ce qu'on vise une clientèle plus jeune avec ça. Probablement une clientèle qui aime faire du bricolage. Peut-être jouer à des jeux faciles, j'imagine. Est-ce qu'on s'intéresse à... Parce que... Le Nintendo, on connaît qu'il a l'habitude de vouloir viser une clientèle un peu plus jeune avec ses jeux. Mm-hmm. La Nintendo Switch, qui est quand même un gros aspect de nostalgie avec ça, qui va ramener des vieux jeux, beaucoup de remakes encore une fois chez Nintendo. Ouais. Je sais pas si ça va attirer la clientèle plus âgée qui revient avec Nintendo, avec la Switch, pour redécouvrir ces vieux jeux-là. Peut-être, mais une fois que t'as monté ton petit robot, là, une fois que t'as joué au jeu pendant une demi-heure... Là, aussi. Ton 100$... Ça va t'avoir coûté cher pour pas grand-chose. C'est ça. Puis mettons que tu penses que c'est pour les enfants ou la famille. Bon, mettons les parents jouent avec leurs enfants, parce que t'as même pas besoin de ciseaux, mais avec les bourrons. Là, tout est inclus dedans, t'as rien à amener toi-même. La console coûte genre 400$ et plus. Mm-hmm. Chacun des petits jouets coûte, mettons, une centaine, un petit peu moins, une centaine de dollars environ. Et à part des manettes, tu sais, mettons, si tu veux une paire de manettes supplémentaires, c'est 100$ de plus. Exactement, exactement. Ça commence à être pour les familles de riches. Eh oui. Pour du carton en plus. Du bon carton, c'est épais. Ouais, mais j'espère que c'est pas du petit carton fin. C'est ça. Que ton jeu plie juste en marchant tout seul. Mais c'est fun parce que tu peux insérer les manettes dans le carton, c'est fait pour ça. Là. Oui. C'est un petit clavier pour jouer de la musique, des trucs comme ça. C'est le fun. Je demeure dubitatif. Moi aussi. Et tu pourras pas le louer. T'sais, les jeux de Switch, souvent, sont tellement chers que tu les loues, mettons. Mm-hmm. Ça, non. Tu pourras pas le louer. Non. Fait que... J'ai hâte de voir, je suis quand même curieux. Ben oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est un très gros mais. Je pourrais en acheter un, tu sais, pour voir comment que c'est. Le clavier m'intéresse vraiment beaucoup, je trouve qu'il a l'air vraiment cool. Oui, il y a ça. Il y a quelqu'un qui a essayé de le faire sur YouTube avec ses propres ingrédients, ses propres cartons, et essayé de refaire ce que Nintendo proposait dans la petite vidéo de démonstration. Ça se fait, mais c'est pas aussi le fun, peut-être. Je sais pas. Ben, quand c'est fait pour ça, j'imagine que c'est aussi plus facile d'assembler. Ouais, exact. Ça, mais. Je sais pas. On va voir. J'ai hâte de voir les critiques déjà. Ça sort quand ça? On parle d'avril 2018. Ok, quand même, on n'aura pas à attendre trop longtemps. Non, ça s'en vient quand même relativement bientôt. Ok. Je sais pas si justement voir la démo de quelqu'un qui joue va être assez pour me convaincre. Tu sais, je veux dire, je l'ai déjà, c'est correct, j'ai pas besoin de le toucher moi-même. Mais je trouve qu'il y a la moto qui a l'air quand même intéressante. Mm-hmm. Mais encore une fois, on dirait que je serais un peu mal à l'aise de mettre ma console dans un bout de carton, ouais, pour pouvoir manœuvrer comme ça, ouais, on dirait que... C'est fragile quand même. Oui. Ouais. Mais non, je me demande aussi, je pense que la qualité du produit va être non seulement le carton, mais les jeux qui vont venir avec aussi. Est-ce qu'il va y avoir une bonne rejouabilité à ces jeux-là, mm-hmm, ou est-ce que c'est un petit mini-jeu à la Mario Party ou peu importe, ou Nintendo Land, tu tannes rapidement quand même. Oui, ouais, mais c'est une des critiques aussi sur le jeu One Two Switch qui est, ouais, sorti aussi à la sortie de la Switch justement. Mm-hmm. Quelques jeux, c'est pas une très grande offre, puis encore une fois, tu joues quelques minutes, puis après ça, on se tanne rapidement. On avait dit que c'était un jeu qui aurait dû venir avec la console pour la vendre un peu. Oui, puis pourtant, non, c'est un jeu à part et... Il va rester à part sur les tablettes. Ouais. Puis tu sais, tes petites sculptures en carton, là, c'est pas comme les Amiibo. Les Amiibo, c'est de la belle décoration. Oui. Ton carton, t'as un beau carton brun avec une petite bordure rouge ou bleue pour signifier la Switch. Ouais. Ouf, ça, ouf. Non. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. Peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose, je sais pas, en d'autres matériaux que du carton. Peut-être quelque chose qui est de plus durable ou... Genre des briques qui s'imbriquent les unes dans les autres en place. Ou peut-être, ouais, travailler sur, par exemple, la console virtuelle plutôt que sortir le Nintendo. Ouais, c'est ça, okay, c'est un débat de longue date. C'est un peu, comment dire, peut-être pas exact, hein, c'est parce que dans le sens que c'est pas la même équipe, mais je suis d'accord avec toi, je comprends pas que c'est pas encore arrivé la maudine de console virtuelle. J'espère que ça va arriver un jour. Ça fait un an hein, que, oui, la console est sortie, c'était mars. C'était en mars, hein? Oui. À un moment donné, paye sa clutch. Ben, tu sais, déjà, on parlait que le live était censé être payant déjà à partir de l'automne. Pas encore, c'est remis. C'est toujours pas le cas. Donc, un peu de retard côté de développement sur la Switch. Ils sont trop occupés à faire imprimer de l'argent, comme on dit. Ah. Ils font du cash, Nintendo. Ils font du cash, peut-être qu'ils préparent déjà leur mini 64 aussi. Peut-être aussi, peut-être 3-4 autres modèles de Nintendo 3DS qui sont tous pareils, mais oh, un petit peu plus gros, un petit peu plus petit, un petit peu plus mince, mais c'est la même console, tu sais. Ouais, mais déjà, on sent que Nintendo a déjà tassé la 3DS, ils travaillent beaucoup plus. Ils disent que non, mais oui. Mais on tassé la console 3DS pour ramener la 2DS, mais la New 2DS qui, ouais, fait toutes les mêmes fonctionnalités, sauf qu'ils donnent pas mal à la tête. Bien dit. Mais écoute, côté Nintendo, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Encore une fois, on attend des choses. Quand ils sortent, ils sortent pas en quantité suffisante. Ouais. Ils sont bien fins, là, mais le marketing de la chose, de justement pas pouvoir se procurer les affaires. Ils aiment nous faire languir. C'est ça. Bref, Nintendo Labo, on en reparlera quand ça sortira. J'ai, oui, bien hâte de voir. Et sinon, je pourrais peut-être parler un petit peu des sorties jeux vidéo récentes et de ce qui s'en vient un peu. Mm. Récemment, il y a Dragon Ball FighterZ qui est sorti. Un autre jeu de Dragon Ball qui est, ma foi, super bien fait. Peut-être que critique un peu personnelle ici. Encore un jeu Dragon Ball super bien fait, mais il me semble qu'il se passe pas grand-chose d'un à l'autre. J'étais en train de dire que c'est redondant. Peut-être un peu. Tu sais, évidemment, t'as tous les personnages, t'as les décors, mais le gameplay me semble... pareil d'un jeu à l'autre. Ouais. Ça reste quand même un jeu de combo assez c'est simple. C'est ça, c'est comme un jeu de sport. Là. T'en sors un une fois de temps en temps, en innovant à peine, puis ça refait de l'argent. Ouais. Mais celui-là est très beau, je dois le donner. Oui, oui, oui. Et sur quelle console? Sur toutes les consoles? Sur toutes les consoles, ouais. Sauf évidemment la Switch. Ben oui, la Switch. Hein. Faut l'adapter, le jeu, pour la Switch. Faut pas juste sortir le jeu pareil comme non, sur les autres consoles. Non, mais c'est arrivé aussi avec le premier jeu Dragon Ball Xenoverse 2 qui est sorti sur Switch, que ça a pris un peu plus de temps aussi, donc l'adapter. Parlant de jeux qui ne sont pas sur la Switch, qui sont sortis récemment, Monster Hunter World qui fait fureur présentement. Un jeu qui est une licence qui fait quand même un petit bout qui est sorti, qui avait déjà des jeux sur 3DS, justement sur Wii. Je pense qu'il y en avait eu un aussi avant sur PlayStation. Là, je voulais pas trop m'avancer parce que je ne suis pas sûr de ce que j'avance. mais c'est un bon jeu qui... C'est quoi Monster Hunter? C'est un espèce de RPG, mais que tu tues des monstres. Ok, mais pas comme Pokémon. Non, c'est vraiment... C'est un peu plus open world. Ok. T'as ton équipement et t'as des monstres gigantesques un peu. Des fois, ça a plus l'apparence de dinosaures. Mm-hmm. Que tu dois abattre, récolter des ressources, avancer comme ça dans le jeu. C'est un jeu qui fait énormément parler présentement. Un succès monstre. Oh! Mais effectivement. Février, c'est par contre beaucoup plus tranquille côté sortie de jeu. Monster Hunter est sorti le 26 janvier, mais février c'est beaucoup plus tranquille. Ça me surprend déjà même qu'il y en ait, parce qu'en tant que tel les fêtes viennent juste d'avoir lieu, t'attends encore un petit peu après là. En effet, dans les sorties majeures on parle de Secret of Mana, mais encore une fois c'est un remake. Ben oui, toujours. Donc qui va sortir côté PC et PS4. C'est plus un secret, ben. Hein? Non, c'est ça. Je l'ai pas abattu. C'est incontrôlable. Ah, c'est n'importe quoi. Sinon, il va falloir attendre probablement au mois de mars pour voir d'autres grosses sorties, entre autres Far Cry qui est annoncé pour le mois de mars. Mm-hmm. Mais sinon, ça va être probablement au printemps avec beaucoup de sorties. Nintendo Labo au mois d'avril. Mais sinon, Donkey Kong, Dark Souls. Notre remake encore. Encore, ouais, exactement. Red Dead Redemption 2 qui va sortir ce printemps. Tout comme Hero Warriors, un autre remake. Ouais. Mario Tennis Aces. Ça, c'est un nouveau jeu, une suite au moins quand même. Oui, en effet. Ça va être un jeu de tennis. C'est le fun avec les effets spéciaux dedans. Oui, avec le mode aventure. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir. C'est vrai. Je pense que ça va être bon. Oui, moi aussi. Puis c'est ce qui m'a fait à ma rubrique d'aujourd'hui. Rubrique, oui. C'est ce qui m'a fait. Comme dans Genre, c'est un méfait accompli. Oui, oui. On peut fermer la carte du maraudeur. Hey, c'est beau ça. J'aime ça. On t'apprécie beaucoup, Frédéric Simon. Hein? On se retrouve la semaine prochaine. C'est réciproque. C'est quoi? C'est réciproque. C'est... Ok, j'ai entendu c'est Spock. C'est Spock. Comme, où ça? Où ça? Dans la fenêtre. Ses oreilles le précèdent. Nous venons en paix. Bon. Ah non, ceux qui nous regardent dans la fenêtre. Pas toujours la fin. Bref, dans deux semaines, toujours. Autres, c'est nous venons en épaisse. Oh boy. C'est pas cool. Oh. Écoute, je vais y aller, moi. Oui, salut, bonjour. Dans deux semaines, en début d'émission, au Mathieu Plancho, Frédéric Simon, et on te retrouve aussi à la Luitre. Oui. Le soir 20h. Gros match la semaine prochaine. Oui, c'est l'Aime-Luitre. L'Aime-Luitre. Oui, ça veut dire que la Lime va venir jouer à la Chasse de Galerie. Ça, c'est la Ligue d'improvisation mauricienne. Exactement. Et puis après ça, le lendemain, la Luitre, qui est la Ligue universelle d'improvisation de Trois-Rivières, va aller à la Maison de la Culture pour le match contre la Ligue d'improvisation mauricienne. Exactement. C'est plus facile de dire l'Aime-Luitre. C'est... Oui, en effet. Et genre, c'est surtout Google. Moins long. C'est ça. Informez-vous. Là. Merci encore. Merci à toi, Mathieu. Ouais. On écoute une deuxième pièce, en fait, de l'album qu'on a commencé à écouter tantôt, Superbeat Sonic Extra Soundtrack sur Scarlet Moon Records. La deuxième pièce est par Takahiro Iguchi. Voici Blue Screen. Oh, Mathieu Blanchot! We'll be right back. Osso. Artiste et compositeur, entre autres, du Ridge Racer. Ça, c'était sur le drame sonore de Super Meat Sonic Extra Soundtrack, la pièce Blue Screen. Non, Debonair Heavy Industry. Avant ça, c'était Takahiro Iguchi avec Blue Screen. Voilà, mais Shinji Iso, c'est vrai que c'est vrai, le gars de Ridge Racer. Bref, maintenant, c'est Television, Television. Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles. Et on commence avec V, hein, qui s'efforce désormais de redorer son image en s'associant à du contenu un petit peu moins vulgaire. Peut-être avez-vous remarqué, je sais pas, c'est vraiment subtil comme changement, là, mais depuis quelques années, célibataire et nu, Beach Club, les cultes ou Barmaids, ça a peut-être donné une image de chaîne de débauche. À V, hein, ça a fait fuir plusieurs annonceurs importants et les plus payants, selon ce que Hugo Dumas de la presse a rapporté. Donc le réseau V serait présentement en pleine restructuration. Il y a eu aussi évidemment le départ d'Éric Salvay qui a été accusé, vous savez, d'inconduite sexuelle en octobre dernier. Ça a fait beaucoup de mal à la chaîne. À la chaîne qui est prise pour diffuser des rediffusions dans cette case horaire-là de 22h jusqu'à temps que Stéphane Rousseau commence avec son talk show très grand public à 22h à partir du mois de mars. Bref, le grand ménage chez V qui impacte même les émissions en cours. Apparemment que certains épisodes d'Un souper presque parfait qui avaient déjà été montés ont dû être revus afin de retirer des propos qui sont jugés trop osés. À l'émission Danser pour gagner aussi qui fait partie du virage un petit peu moins irrévérencieux de la chaîne en même temps que le talk show de Stéphane Rousseau, donc on se dirige vers une trajectoire un petit peu plus grand public. Malgré, bien sûr, le retour déjà annoncé d'Occupation Double, qui, elle, est encore un petit peu grivoise? Grivoise, je pense, le mot, hein? Mais ça attire beaucoup de public, donc on va la garder, hein? Et voilà, donc V qui change un petit peu de façon de faire. Passons à VRAC TV, hein, avec une nouvelle quotidienne pour ados qui s'en vient sur VRAC TV et sur Super Écran. Bell Media qui a annoncé la première collaboration avec la compagnie ICOS Productions. Donc, dès l'automne prochain, VRAC et Super Écran présenteront conjointement la fiction quotidienne Clash, qui racontera un moment charnière chez quatre jeunes adultes qui doivent fréquenter un centre de réhabilitation après un séjour à l'hôpital. C'est le réalisateur Simon Barrette, qui travaille notamment sur District 31, qui va être derrière la caméra pour l'occasion, le tournage qui doit débuter au printemps. La série dramatique est écrite par Martine Donjou, qui a travaillé sur O, Tactique et Ramdam, et ce sera produit par Fabienne Larouche et Michel Trudeau de chez ICOS Productions. Voilà, on connaît pas encore les membres de la distribution, mais on surveille ça. On reste avec VRAC TV et la série Dans ton sel. C'est Valérie Robert ou Roberts qui va animer un nouveau magazine techno à VRAC avec Julien Corriveau comme acolyte. VRAC va diffuser donc dès le mercredi 25 avril prochain à 17h le nouveau magazine Dans ton sel qui proposera de faire l'autopsie du cellulaire d'une vedette. Donc ses applications préférées, le nombre de selfies qu'elle prend, la chanson écoutée en boucle, la personne qu'elle texte le plus souvent, des trucs qui intéressent les jeunes. C'est Valérie Roberts qui va animer l'émission techno-comique avec Julien Corriveau. Violet Cloutier, Pierre-Luc Funk, J. Temple, Sophie Nélis, Olivier Dion et Pierre Hébert ont accepté de se prêter au jeu pour la première saison. Les chroniqueurs David Bocage, Catherine Duhem, Jean-François Gagnon et Ada Kraczynski qui vont profiter de leur présence, oui, pour leur faire découvrir de nouvelles applications. Donc c'est le côté magazine. Le premier côté, c'était le côté potin, qu'est-ce qu'ils ont dans leur selle, mais il y a quand même une partie vraiment magazine techno avec nouvelles applications, gadgets et dernières tendances entourant le téléphone intelligent. Ce sera une production de KO TV en 10 épisodes de 30 minutes et le tournage devrait commencer prochainement. On passe à Télé-Québec maintenant qui marque le coup de son 50e anniversaire. Émission, colloque, livre, spectacle, concert, contenu multimédia et campagne publicitaire pour souligner la personnalité de Télé-Québec à compter du 22 février prochain. Donc c'est ce qu'on va faire, souligner le 50e anniversaire. On va mettre en ligne un micro-site dédié à cet anniversaire regroupant l'ensemble de ces contenus-là liés à l'événement. Au cœur du site, une ligne du temps revisitant l'histoire de Télé-Québec, une cinquantaine de capsules vidéo, principalement des entrevues avec des personnalités qui se remémorent des faits marquants ou des anecdotes appuyées par des images d'archives. Le 15 mars prochain, Télé-Québec et l'École des médias de l'UQAM organiseront conjointement le colloque Télévision publique se donner les moyens dans le cadre des rencontres de Montréal sur la télévision. Cette journée sera l'occasion de mettre en lumière l'importance de la télé publique pour l'identité culturelle à l'ère des transformations du numérique. Ce sera aussi l'occasion d'aborder les défis d'envergure que pose un monde de télécommunications en évolution constante. Dans un livre à paraître au printemps prochain, de nombreuses personnalités et des gens du public témoigneront de l'empreinte que la télévision publique éducative du Québec laisse sur eux et sur la société. Entre confidences, anecdotes, souvenirs et vœux pour les années à venir, ces multiples portraits de Télé-Québécois font voir le visage diversifié et allumé de Télé-Québec, disent-ils. Ce livre qui sera publié en collaboration par Télé-Québec et les éditions La Presse. Monsieur Crackpout de l'émission Toc Toc Toc et Marc-André Coallier du Club des 100 watts animeront la fête de la famille en compagnie de leurs amis issus d'émissions phares de la programmation jeunesse de Télé-Québec des dernières années. Le spectacle va être en tournée au Québec à l'été 2018. Les célébrations du 50e se termineront en octobre 2018 à la Maison symphonique de Montréal où l'orchestre métropolitain revisitera les chansons qui ont marqué le monde de la télévision au Québec au fil de l'histoire de Télé-Québec. Télé-Québec diffuse déjà depuis le mois de décembre une grande campagne institutionnelle autour de ses personnalités depuis les émissions de la programmation actuelle de Télé-Québec et la Fabrique culturelle souligneront l'anniversaire à leur manière cet hiver. Une émission spéciale des appendices sera présentée le 22 février. On rappelle que Télé-Québec aménagera dans quelques mois dans ses nouveaux locaux de l'édifice patrimonial au pied du courant. On revient chez V, j'en ai parlé tantôt un petit peu, mais un nouveau pôle de recherche et d'intelligence d'affaires pour le groupe V Media qui a été confié à un talent en dehors de la télévision. Voilà, c'est Axel Bédicane qui entrera en poste le 12 février. Groupe V Media qui se dote d'un pôle de recherche intégré et le confie donc à Axel Bédicane dans ce nouveau rôle de directeur principal recherche et intelligence d'affaires. Il aura pour mandat d'orienter la haute direction du contenu, du marketing et des ventes du groupe dans le développement de leur stratégie, des opportunités d'affaires et de la diversification des revenus basée sur l'évolution des comportements des consommateurs, des enjeux des annonceurs et des influences de l'industrie. Axel Bédicane, qui occupait plus récemment le poste de directeur analytique d'affaires et d'intelligence consommateur pour le Cercle du Soleil. Auparavant, il a œuvré pour Deloitte, Groupe Page Jaune et CAE. Il va entrer en poste, comme j'ai dit tout à l'heure, le 12 février pour le groupe V Media. Ensuite, on va aux États-Unis avec une autre série DC centrée sur Lois Lane et Lex Luthor qui s'en vient. Ouais, dans cette série qui s'appellera Metropolis, vous ne verrez pas Superman car la série se déroulera avant son arrivée dans la vie de Lois Lane et Lex Luthor. Donc prochainement, Warner Brothers Television lancera un service de streaming vidéo dédié aux séries de DC et les deux entités semblent bien motivées pour y proposer du contenu inédit, nous dit BeGeek.fr. Ainsi, en plus de séries animées Harley Quinn et Young Justice Outsiders, la série avec des humains Titans sera elle aussi accompagnée par une autre émission, oui, avec de vrais acteurs, Metropolis. Comme son nom le laisse présumer, mais cette série s'intéressera un peu comme Krypton qui est à venir sur la chaîne Sci-Fi. À l'avant Superman. L'émission produite par John Stevens, qu'on connaît pour Gossip Girl, et Danny Cannon de CSI Les Experts, sera centrée sur Lois Lane et Lex Luthor avant que leur vie ne soit influencée par Kal-El ou Clark Kent. Les deux personnages enquêteront ensemble sur les sombres et bizarres secrets de la ville qui mêlent science atypique et éléments plus étranges. Déjà 13 épisodes ont été commandés pour Metropolis. Stevens et Cannon sont également producteurs sur la série Gotham. Ils sont responsables du scénario de Metropolis et ce dernier réalisera le premier épisode. Pour les annonces de casting et de date de diffusion exacte en 2019, il faut patienter. Tout ce qu'on sait, c'est le nombre d'épisodes et la production qui va commencer cette année. Maintenant, Disney annonce des séries télé pour Star Wars. Disney annonce des séries télé, oui. Le reste, c'est des films de Star Wars créés par avec les créateurs de Game of Thrones, mais c'est pas mon domaine du tout. Bref, l'avenir de Star Wars sur petit écran et grand écran était relativement clair et raisonnable, au-delà des séries télé animées déjà en cours. Ça parle vraiment juste de Star Wars, cette affaire-là. Je veux l'autre nouvelle. Voyons, et où? Bref, ça me tente pas de parler de films. Donc, allons à la prochaine. J'étais en train de dire, oui, que la station 19, le spin-off, la série dérivée de Grey's Anatomy se dévoile un petit peu par petit peu. ABC Television Network qui vient de mettre en ligne la première bande-annonce de la nouvelle série Station 19, qui est un spin-off de Grey's Anatomy. Une création de Stacey McKee pour ABC. McKee, Shonda Rhimes et Betsy Beer sont les productrices déléguées de la série, qui est le deuxième dérivé de Grey's Anatomy après l'échec de Private Practice. La série qui est produite par Shondaland et ABC Studios, avec McKee qui va jouer le rôle de showrunner. La série suit un groupe de pompiers héroïques du service des incendies de Seattle à la station 19 du capitaine jusqu'à la nouvelle recrue dans leur vie personnelle et professionnelle. Ça va mettre en vedette Gina Lee Ortiz, Jason George, Grey Damon, Barrett Doss, Alberto Frezza, Jay Hayden, Oki Ariete Anahodawan, Daniel Savre et Miguel Sandoval. Ça devrait commencer le 22 mars prochain pour une série de 10 épisodes. On va chez HBO maintenant qui recrute une réalisatrice solide pour l'épisode pilote de la série Watchmen. La réalisatrice Nicole Castle s'occupera de réaliser et de produire le pilote de la série Watchmen pour HBO. En plus de la présence de Damon Lindelof, qu'on connaît pour Lost et The Leftovers, qui va être aux manettes, aux commandes et à l'écriture de la série. L'adaptation de Watchmen pour HBO a gagné un nouvel argument de taille en faveur de du buzz, oui. En effet, son épisode pilote sera réalisé par Nicole Castle. En plus d'avoir réalisé deux épisodes de The Leftovers pour Lindelof, avec qui elle a déjà travaillé, elle a également réalisé de nombreux épisodes pour des émissions comme The Americans, Rectify, Following et The Killing. Côté long métrage, elle a réalisé The Woodsman. Son expérience et sa précédente collaboration avec Lindelof devraient donner quelque chose à la réalisation qui pourrait être très réussie. Elle va être également à la production. Tiré normalement directement de la bande dessinée sombre et satirique de Alan Moore et Dave Gibbons et non de l'adaptation au cinéma par Zack Snyder. La série Watchmen devrait arriver dans les prochains mois sur HBO, donc on surveillera ça. Justement, toujours chez HBO qui récupère la série Demi-Monde de J.J. Abrams, qui était supposé être chez Apple, mais bref, que Apple voulait aussi avoir. C'est donc HBO qui va proposer la future série Demi-Monde de J.J. Abrams. Il y a quelques semaines, il était question d'un duel entre HBO et Apple pour les droits de Demi-Monde. Derrière ce nom se cache la prochaine série de J.J. Abrams, dont ce sera la première émission en tant que créateur depuis la série Fringe qui s'est arrêtée en 2013. C'est donc HBO qui a remporté les droits et d'ailleurs commandé directement une saison dont le nombre d'épisodes est encore inconnu. D'après les sources à l'origine de l'information, le script écrit par l'homme lui-même serait le suivant. Après qu'elle et ses parents soient victimes d'un grave accident de voiture laissant la mère scientifique dans le coma, une petite fille va fouiller dans les expériences à la cave de cette dernière. Elle va alors être transportée dans un autre monde où s'affrontent des forces énormes et oppressives et son père va finir par l'y suivre. Demi-monde qui serait qualifié par HBO d'émission dramatique, science-fiction, fantastique, épique et intime. Hein? Wow! Abrams qui a déjà collaboré avec HBO, notamment en tant que producteur exécutif sur la série Westworld. Il est déjà actif sur de nombreux projets à venir comme Star Wars 9, vous le savez, Castle Rock, Westworld saison 2 et le futur probable film Star Trek de Quentin Tarantino. Bref, Demi-monde, ça s'en vient éventuellement. Si vous avez regardé un petit peu le Super Bowl dimanche, vous avez peut-être remarqué, si vous écoutez sur NBC et non pas CTV, qu'il y a eu une grosse pause de 30 secondes, un blackout qui a été qu'on a blâmé sur les équipements. Mais apparemment qu'ils n'ont pas perdu d'argent sur la publicité. Environ 100 millions de personnes savaient que quelque chose se passait avec leur télé pendant le Super Bowl 52. C'était à 19h38 après que les Patriots aient eu leur deuxième but de la partie, quelque chose comme ça. Le réseau est parti en pause publicitaire, mais à la place d'une pause publicitaire. Et là, c'est là que les autres chaînes sont allées en pause pub, mais eux ne sont pas allés en pause pub. Il y a eu 30 secondes de noir sans son. Ensuite, NBC est revenu avec l'annonceur Al Michaels qui a accueilli les téléspectateurs sans dire du tout ce qui s'est passé. Tu sais, d'habitude, tu veux un petit peu de transparence pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Sinon, tu te demandes, tu poses des questions. Bref, ça a été résolu apparemment assez rapidement, le problème technique d'équipement, en fait. On n'a pas manqué d'action de jeu, on n'a pas manqué de temps de publicité, selon NBC. NBC a commencé à vendre ses cases horaires pour les publicités qui avaient fini, oui, de les vendre en date de vendredi soir. Publicité moyenne de 30 secondes qui valait 5 millions de dollars US. Ils disent avoir une super bonne équipe technique, mais bon, en tant que tel, ça peut arriver à tout le monde. Ensuite, justement, parlant de NBC, ils vont montrer le contenu des Olympiques d'hiver sur 4000 affichages en extérieur dans 3 villes américaines, à New York, à Chicago et à Philadelphie. Les fans donc des Olympiques dans ces villes-là vont avoir une façon de regarder les Jeux Olympiques d'hiver sans avoir à regarder leur téléphone cellulaire pendant qu'ils vont prendre le train ou l'autobus ou peu importe. Donc NBC Olympics qui va commencer à diffuser les contenus de Pyeongchang en Corée du Sud, des vidéos, des visuels comme des clips, des résumés, des avant-goûts, le décompte des médailles, les biographies d'athlètes, tout ça sur des affichages numériques dans les rues et dans les systèmes de métro et d'autobus et autres dans ces trois villes-là via un partenariat avec Intersection, qui est une compagnie médiatique basée à New York. On espère donc mettre ça devant le plus d'yeux possible pour rappeler aux gens de regarder les jeux sur la télé ou sur l'application mobile de NBC. Le but est de se rendre aux spectateurs là où ils n'ont pas de télévision ou d'autres façons de regarder leurs jeux olympiques. Ensuite, on va à l'international, au Japon, où le téléjournal qui est présenté par un robot nommé Erika. Les Japonais qui vont accueillir bientôt sur leur écran une présentatrice de nouvelles quand même assez originale, c'est Erika, un robot humanoïde créé par le Japonais Hiroshi Ishiguro. C'est une première dans le monde. Selon le Wall Street Journal, le robot devrait entrer en fonction en avril. Il est doté d'un système d'intelligence linguistique avancée qui lui permet de réciter un texte rédigé à l'avance, mais également de soutenir une conversation avec un humain. Elle dispose de plusieurs algorithmes de traitement de la parole et de capteurs de mouvements infrarouges qui lui permettent de savoir quand on s'adresse à lui et d'où provient le son. On se permet d'écouter une petite interaction là, entre Erica et une autre femme. Bonjour, mon nom est Carol. Carol, is that right? Carol. Yes, bref, le son est vraiment pas fort sur cette vidéo-là, je suis au maximum. Mais bon. Bref, c'est presque réaliste. Hein? Elle bouge un peu la tête sur les côtés, elle a une belle coupe de cheveux, bien habillée, hein? Pas trop décolleté pour pas trop offusquer les gens. Son concepteur, Hiroshi Ishiguro, qui est un célèbre roboticien à la tête du Intelligent Robotics Laboratory à l'université d'Osaka, avait au départ créé le robot Erica pour qu'il occupe un emploi de réceptionniste. Doté de l'apparence d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, le robot ne peut pour l'instant bouger ni ses bras ni ses jambes. Il peut seulement se tenir en position assise. Toutefois, son visage est capable d'exprimer des émotions simples comme esquisser un sourire et ses yeux suivent du regard son interlocuteur. Monsieur Ishiguro qui s'est donné pour mission de doter à terme le robot Erica d'une conscience indépendante. Le roboticien a par ailleurs affirmé que la voix de Erica devrait bientôt servir d'assistant vocal aux passagers des futures voitures autonomes d'un constructeur japonais. On ne sait pas encore pour quelle compagnie. Si les débuts de Erica à la télé seront une première dans le monde de l'intelligence artificielle, le nom de la chaîne qui l'accueillera n'a pas encore été dévoilé. On dit pas non plus pendant combien de temps ça va durer, parce que le facteur nouveauté va probablement s'estomper après, je dirais, 2-3 fois. Là, tu fais comme, j'ai compris le principe, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui met un petit peu plus d'intonation dans ces nouvelles? C'est bien beau, là, mais ça fait robotique, hein? Un robot, c'est l'idée. On va sur Internet maintenant, où Diane Lane et Greg Kinnear vont apparaître dans la prochaine et dernière saison de House of Cards. Donc Diane Lane, qu'on connaît pour Under the Tuscan Sun, et Greg Kinnear de Little Miss Sunshine, entre autres, seront de la sixième et dernière saison de la série House of Cards, dont le tournage a repris récemment, dans les derniers jours. Si le rôle des deux acteurs au long curriculum vitae n'a pas été précisé, Netflix a indiqué qu'ils seraient frères et sœurs dans la série. Le tournage avait été abruptement interrompu, on se rappelle, après les allégations d'inconduite sexuelle de Kevin Spacey, qui interprétait le président Frank Underwood. Les deux épisodes qui avaient déjà été tournés, seulement deux, ont été jetés complètement et le scénario de toute la saison a dû être revu en raison des retards pris dans la production. Ça ne comptera cette dernière saison que 8 épisodes. Ensuite, allons-y avec une série très coûteuse d'Allemagne qui s'en vient sur Netflix. Donc, qui vient de mettre la main sur Babylon Berlin, une des séries télé les plus chères produites en Allemagne. Elle a reçu des éloges pour sa narration et pour son actualité. Babylon Berlin, qui est une nouvelle série télé d'époque basée sur des romans de Volker Kutscher. La série se déroule de 1929 à 1934 sous la République de Weimar et suit l'inspecteur de police Julian Rath, qui a été transféré de la ville de Cologne à Berlin. La première saison a été lancée le 13 octobre sur Sky One, une chaîne de divertissement de langue allemande diffusée par Sky Deutschland. Le premier roman de la série de livres qui met l'accent sur la précision historique s'intitule Der Nassfisch. Ça veut littéralement dire le poisson mouillé. Ça date de 2008. C'est la série télévisée dramatique la plus chère non tournée en anglais, coûtant près de 40 millions de dollars à produire. Babylon Berlin a été co-réalisé par Tom Tykwer, Hendrik Enlichten et Achim von Boys, qui a également écrit les scénarios. Pour la première fois dans l'histoire de la télé allemande, le radiodiffuseur public allemand ARD et la chaîne de télévision payante Sky ont coproduit la série. Sky a diffusé la série initialement dans le cadre de l'arrangement et ARD la diffusera sur la télévision gratuite un an plus tard. Netflix qui a acheté les droits de diffusion pour l'Amérique. Je vous parle de l'histoire un petit peu. Le commissaire-colonel Jerry Rath se déplace à Berlin, l'épicentre des changements politiques et sociaux dans les années d'or des années 20. La série met en vedette un paquet de noms que j'ai déjà assez honte de mes prononciations précédentes, que je les nommerai pas. Hein? Bon. Volker Brusch est la vedette principale. Et pour terminer, Conan le Barbare est bientôt adapté en série par Amazon. La plateforme de vidéos sur demande va adapter les aventures du personnage créé par le romancier Robert E. Howard en série et l'équipe de production est déjà au travail en ce moment. Ça a été révélé par Deadline. L'information n'est pas encore officielle, mais contient plusieurs détails quant au début du développement de la série Conan. Le projet est notamment piloté par Ryan Condal, créateur de la série Colony. Le réalisateur Miguel Sapochnik, qui a notamment travaillé sur Game of Thrones, est également de la partie, tout comme le producteur exécutif Warren Littlefield, qui a travaillé entre autres sur Fargo et The Handmaid's Tale. à ses Pathfinder, Media et Endeavor Content qui vont coproduire le tout. Après plusieurs adaptations cinématographiques, d'abord avec Arnold Schwarzenegger, puis plus récemment Jason Momoa, Conan va donc faire son retour sur le petit écran. Le personnage a cependant déjà eu droit à des apparitions télévisuelles, nous rappelle Plugin, en 1992 via la série d'animation Conan l'Aventurier, Conan, il faut dire l'Aventurier, puis en 97 avec une série live, donc avec des humains qui avaient essayé de profiter du succès des séries Hercule et Xena, la princesse guerrière, mais ça n'a pas fonctionné. L'aventure n'avait duré qu'une seule saison. Amazon a les moyens de faire un Conan spectaculaire. L'adaptation des nouvelles de Robert E. Howard, qui a créé le personnage en 1932, pourrait donner quelques épiques fresques de séries fantastiques, héroïques. Amazon Studios, qui travaille aussi, on l'avait dit il y a quelques semaines, sur l'adaptation du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, le fantastique a l'air d'être un créneau qu'ils ont choisi d'explorer chez Amazon. C'est tout pour Television. On va continuer notre émission d'aujourd'hui avec la trame sonore du jeu Riskin' Raftin'. On a quelques petites pièces à entendre, en fait, on va en écouter trois de fil. C'est un jeu sur Game Gear, ça, Riskin' Raftin'. Vous rappelez la console portative de Sega? En fait, non, c'est ça. Oui. L'article commence en disant « Avez-vous déjà joué au jeu de Game Gear Risky Raftin? » Ben, vous êtes un maudit menteur parce que le jeu n'existe pas vraiment. C'est une... pas une parodie, mais c'est... on fait comme si le jeu avait été... avait existé, finalement. Donc, c'est du chiptune de cette rap sonore-là. On va l'entendre pour commencer la chanson thème Risky Raftin. Tout de suite, au Mathieu Plante. Décidé de Select Stage Blues et de Risky Raftin, la chanson thème de ce jeu qui n'existe pas. Et la trame sonore est sur Bandcamp. Maintenant, c'est une très courte édition de Merci Science. Merci Science, qui est la collègue qu'on remercie la science d'exister, bien sûr. On commence par l'anxiété et d'étonnantes cellules découvertes dans le cerveau. Des chercheurs ont trouvé les cellules de l'anxiété dans le cerveau de souris, plus précisément dans l'hippocampe de celle-ci. En contrôlant ces neurones par de la lumière, les scientifiques ont pu réduire ou accroître l'anxiété des souris. Des chercheurs donc de l'Université de Californie à San Francisco, aux États-Unis, pensent avoir trouvé dans le cerveau des neurones responsables de l'anxiété. Dans un article paru dans la revue Neuron, ils détaillent la découverte de ces cellules dans l'hippocampe de souris. L'hippocampe qui est une région du cerveau importante pour la construction de la mémoire, mais aussi des émotions. Dans cette étude, les chercheurs ont observé l'activation de certaines cellules de l'hippocampe lorsque les souris se trouvaient dans des situations anxiogènes. Ces neurones de l'anxiété étaient connectés à des régions de l'hypothalamus, qui est une zone qui stimule le comportement d'évitement chez les animaux. Pour comprendre la fonction de ces projections nerveuses entre l'hippocampe et l'hypothalamus, les scientifiques ont utilisé l'optogénétique, une méthode qui consiste à contrôler les messages nerveux grâce à des rayons de lumière. Les chercheurs ont trouvé que s'ils supprimaient cette voie nerveuse de l'anxiété, les souris semblaient plus à l'aise dans des environnements qui habituellement génèrent du stress. À l'inverse, si ces connexions nerveuses étaient stimulées par optogénétique, les souris devenaient anxieuses. Ça signifie que cette voie neuronale entre hippocampe et hypothalamus, qui ne passe pas par le cerveau supérieur, permet aux animaux de répondre à une situation anxiogène. Cette découverte, qui pourrait aider à comprendre les troubles d'anxiété chez les humains, fournit une nouvelle piste pour imaginer des thérapies. Et dans le même genre, parlons de TOC maintenant, le trouble obsessif-compulsif. Hein, vous pensez perdre facilement le contrôle de vous-même et ça vous rend plus anxieux? Ben non, ça pourrait faciliter en fait la guérison des personnes souffrant du trouble obsessionnel-compulsif ou le TOC, selon une étude québécoise publiée dans le journal, le Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. Donc, vérifiez à de multiples reprises si la porte est bien fermée, hein, vous connaissez peut-être, ranger ou se laver les mains à répétition. Les personnes atteintes d'un TOC ne peuvent s'empêcher d'adopter des comportements qu'elles expliquent du coup par des croyances et des insécurités infondées. Or, le simple fait de croire à cette perte rapide du contrôle de soi ne ferait qu'augmenter les symptômes du TOC. Mais paradoxalement, c'est la manipulation de cette croyance qui pourrait aider à soigner, soutient l'un des co-auteurs de l'étude, l'étudiant au doctorat en psychologie clinique Jean-Philippe Gagné. au sein du laboratoire des troubles obsessionnels compulsifs et de l'anxiété du Centre de recherche clinique en santé de l'Université Concordia. Les chercheurs ont soumis 133 participants à une expérience pour mettre à jour l'importance de cette croyance au sein des personnes souffrant de TOC. À l'aide d'un casque destiné à mesurer les ondes cérébrales et la perte de contrôle, la moitié des participants recevaient un faux verdict. Par exemple, vous perdez facilement le contrôle de vous-même. L'expérience consistait ensuite en un défilement d'images que les participants pouvaient contrôler avec une série de manipulations sur un clavier. Or, le groupe de ceux faussement identifiés comme plus susceptibles de perdre le contrôle était celui qui vérifiait plus souvent la validité de la manœuvre. Par contre, ceux qui, avant l'expérience, croyaient très fortement qu'ils étaient à risque de perdre le contrôle ont été moins tentés de contrôler la vitesse des images. Tout le monde a vérifié, je cite ici, mais nous avons constaté deux fois plus de vérifications chez ceux qui avaient reçu un mauvais feedback. Si le simple fait de nous faire croire qu'on risque de perdre le contrôle augmente les symptômes de vérification, cela peut donc s'avérer utile lors de la thérapie cognitivo-comportementale. Il s'agit de séances destinées à exposer le sujet à des situations problématiques. Plus la personne croit être vulnérable, plus il va être facile de tester cette croyance afin de la restructurer de manière positive. Agir sur cette croyance permettra de restaurer la confiance en elle. La peur de perdre le contrôle est au cœur des obsessionnels compulsifs. En plus de cette peur, la personne surestime les menaces qui l'entourent et se sent fortement responsable de ce qui pourrait arriver. C'est la signification erronée qu'elle attribue au fait qui la rend, qui la rend vulnérable et l'amène à développer des TOC. Dit-il, dit Debbie Sukman, qui est directrice de la clinique sur les TOC du Centre de santé universitaire McGill. Donc, elle devient hyper vigilante et hyper contrôlante, cette personne. Cela entraîne alors des rituels de compulsion chez certains individus et la progression de nombreux symptômes qui mettent au défi les traitements. Je cite, « Ça prend alors une stratégie pour faire changer les croyances de la personne afin qu'elle parvienne à cesser ses comportements. Il y a beaucoup de citations là-dedans. Donc, c'est ce qui résume celle qui est aussi présidente de l'Institut canadien des troubles obsessionnels compulsifs, un regroupement de spécialistes qui vise à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins relatifs au TOC. » Directeur ensuite du Centre d'études sur le TOC et les TIC de l'Institut universitaire de santé mentale à Montréal, Kieran O'Connor, donne une bonne note à cette étude pour sa méthodologie et ses résultats. Je cite, « L'auteur principal, Adam Radomski, a la réputation de conduire des expériences bien contrôlées. Hein? » Donc ça, c'est on cite quelqu'un qui cite quelqu'un d'autre. Il souligne toutefois certaines limites de l'étude en raison du choix des participants qui ne sont pas des patients avec des troubles obsessionnels compulsifs, mais de simples étudiants. Je cite, « Nous ne pouvons pas alors être sûrs de la façon dont les résultats peuvent se généraliser au TOC. » Bref, le professeur O'Connor, qui rapporte les grandes variations relevées par les auteurs eux-mêmes par rapport à la crédibilité de la manipulation exercée sur les cobayes, et ce n'est pas non plus clair comment les conditions de laboratoire reflètent vraiment les réelles procédures de vérification liées au TOC. On mentionne aussi un contre-argument à l'idée du besoin de contrôle qui motiverait le comportement de vérification des TOC. Ça pourrait provenir d'une obsession exagérée et imaginaire d'erreurs réalisées dans le passé, et ces histoires minant la confiance de la personne pourraient la pousser à des vérifications excessives. Un article complexe, mais intéressant, de l'agence Science Presse. Voilà, deux petites nouvelles dans Merci Science. C'est pas beaucoup, moins que d'habitude, mais ça nous laisse juste plus de temps pour faire la chronique, le segment Geek CNX dans quelques minutes. Avant ça, par contre, on s'en va entendre une autre pièce de chiptune, et cette fois-ci, c'est un album de remix de chansons de jeux vidéo. Oui. Ça s'appelle Reprisal. Harry Lodes est le nom de l'artiste. C'est sorti en décembre et on reprend des chansons très connues de jeux vidéo. Par exemple, Final Fantasy VII, Legend of Zelda, Ocarina of Time, Okami et plusieurs autres. Reprisal qui donc essaie d'amener l'auditeur, la personne qui écoute l'album, dans les aventures héroïques de ces héros-là. Donc on va entendre pour commencer la pièce Zelda's Lullaby. Tout de suite au Mathieu Plante Show. We'll be right back. La pièce Fountain of Dreams par Harry Lodes sur l'album Reprisal, qui reprend des chansons connues dans le monde des jeux vidéo. L'album est disponible sur Bandcamp, iTunes et Spotify. C'est bon, hein? Harry Lodes, L-O-D-E-S. Justement, on entendra une autre pièce tout à l'heure de cet album-là. Mais avant, commençons à parler de choses geek dans Scenix. Scenix, c'est le blog de nouvelles qui parle donc de choses qui sont cool, nouvelles extrêmement intéressantes. Commençons avec de la réalité augmentée pour illustrer des articles du New York Times, qui propose désormais de la réalité augmentée pour illustrer certains de ses articles. Une application développée en interne et lancée récemment avec la présentation d'athlètes américains qui participeront bien sûr aux Jeux olympiques d'hiver. L'ensemble n'est visible que pour les abonnés au New York Times qui utilisent la version 11 du système d'exploitation iOS d'Apple. Une extension Android est prévue une fois que Google aura mis en service son logiciel AR Core, actuellement en phase de test. Au départ, comme pour la plupart des contenus rédactionnels pour smartphone ou tablette, le lecteur consulte l'article en faisant défiler le texte. Au fil de sa lecture, il arrive à une zone sans texte qui active automatiquement la caméra du téléphone et propose de placer un objet ou un personnage virtuel à un endroit précis dans le champ de vision de l'utilisateur. Dans le cas du premier article qui a été publié dans ce format-là, c'était un patineur artistique américain, Nathan Chen, dont le quadruple saut a été décortiqué grâce à une captation à 360 degrés. Muni de son téléphone ou de sa tablette, le lecteur peut observer sous toutes les coutures l'évolution du jeune patineur prodige pour mieux comprendre son geste. Le New York Times qui présente également le patineur de vitesse J.R. Selsky, la gardienne de hockey sur glace Alex Rigsby, et la snowboardeuse autrichienne Anna Gasser. L'application, dont le coût n'a pas encore été révélé, a été développée entièrement en interne, notamment avec l'agence du design expérimental du New York Times, Fake Love, selon l'agence France Presse. Ce sport est particulièrement adapté à l'usage de la réalité augmentée, disent-ils. L'application sera utilisée pour d'autres rubriques dans le journal. Voilà. Ensuite, Pornhub qui dit non aux deepfakes. Ça, c'est les vidéos porno qui sont modifiées justement par intelligence artificielle. Je sais pas pourquoi j'ai dit justement, on parlait de réalité virtuelle. Attends. Bref, l'intelligence artificielle entre les mains de tout le monde et n'importe qui peut poser un problème, et c'est ce qui est en train d'arriver avec deepfakes. Il s'agit d'un programme disponible en libre accès sur Reddit qui permet de modifier les vidéos de manière très simple, et sans surprise, des films porno ont été modifiés. Le programme permet d'ajouter le visage de n'importe qui, oui, sur une vidéo, et ça pose des problèmes de droit d'auteur, mais également de consentement. Face à la multiplication des vidéos pornographiques créées par les utilisateurs grâce au programme Deepfakes, plusieurs plateformes ont pris des mesures drastiques et ont annoncé les interdire. Les premières à avoir franchi le pas ont été l'application Discord et la plateforme spécialisée dans les GIFs, Giphy Cat. Pornhub leur a emboîté le pas le 5 février dernier, selon Motherboard. Le géant des vidéos pornographiques a déclaré qu'il considérait les Deepfakes comme des vidéos de revenge porn, les vidéos mises en ligne sans le consentement d'une des personnes présentes. Deepfakes permet d'intégrer le visage, voire même le corps de n'importe quelle personne sur une vidéo porno, les actrices étant les premières victimes. Cette dernière ne peut pas avoir consenti à l'utilisation de son image de la sorte, ni au fait de se retrouver, évidemment, dans une vidéo pornographique. Si Pornhub, Discord et Giphy Cat, entre autres, ont décidé de bannir les vidéos créées avec le programme Deepfakes pour des raisons de consentement, ces sites évitent également de subir les recours collectifs et autres poursuites des ayants droit et des stars. Donc, cette tendance de deepfakes prend encore plus d'ampleur. Les stars dont on utilise le visage commenceront à attaquer en justice les créateurs de ces vidéos et les plateformes qui les hébergent. Il en va de même pour les sociétés de production des vidéos pornographiques utilisées et modifiées. La mise à jour des conditions d'utilisation de Pornhub l'autorise donc à supprimer les vidéos en question sans prévenir ceux qui les mettent en ligne, à bannir leurs comptes et donc à répondre très rapidement à toute demande des personnes ou sociétés détenant les droits d'image. Ensuite, une batterie lithium-ion flexible qui copie notre colonne vertébrale. Des chercheurs ont créé une batterie lithium-ion flexible dont la structure a été copiée sur celle de la colonne vertébrale humaine, ce qui lui confère une densité et une résistance supérieures aux prototypes développés jusqu'à maintenant. C'est en faisant sa gymnastique dans une salle de sport que Yuan Yang, professeur de sciences des matériaux et d'ingénierie à l'Université de Columbia, a eu l'idée de s'inspirer de la colonne vertébrale humaine pour créer une batterie lithium-ion flexible. Les chercheurs et son équipe viennent viennent de présenter un prototype qui présente une grande flexibilité tout en offrant une densité d'énergie élevée et une tension stable, quelle que soit la façon dont elle est tordue. Ces travaux ont fait l'objet d'une publication dans la revue Advanced Materials. Cette batterie lithium-ion flexible se présente comme un cordon où les électrodes forment des segments rigides, un peu comme les vertèbres, et s'enroulent autour d'une partie fine et souple comme la moelle épinière, dont la composition est gardée secrète. Comme on le voit dans une vidéo sur assemblagerequis.com, cette configuration confère effectivement une grande flexibilité à la batterie. Les chercheurs l'ont testée sur une machine lui imposant des torsions et flexions continues durant son cycle de décharge et on a constaté que la courbe de tension ne variait pas. Les électrodes sont de fines lamelles superposées de cuivre, anodes en graphite, matériaux séparateurs, cathodes de dioxyde de cobalt et de lithium, collecteurs en aluminium et films en polyéthylène. Au terme d'une centaine de cycles charge-décharge, la batterie conservait 94% de sa capacité. En outre, les chercheurs disent avoir démonté les électrodes et constaté qu'elles ne présentaient aucun dommage. Cette batterie flexible n'est pas la première du genre, mais ses performances ouvrent des perspectives prometteuses pour le développement des smartphones et autres téléviseurs à écran souple, sans oublier bien sûr les vêtements connectés et des capteurs corporels, mais du laboratoire au produit fini, ça va être quand même long. Faut attendre. On reste dans les téléphones intelligents qui seront encore plus fins grâce à ce nouveau capteur courbe. Courber un capteur qui permet de limiter le nombre de lentilles du bloc optique et ainsi réduire l'encombrement d'un module caméra. Du pain béni pour l'industrie du smartphone, mais aussi de l'embarqué et des objets connectés. Et si on courbait donc le capteur d'image? C'est une piste sérieuse étudiée par de grands groupes industriels dans le monde, notamment le Laboratoire d'électronique et de technologie de l'information, le LETI. Cet organe de recherche du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, l'un des fers de lance de la recherche appliquée en France, vient de dévoiler son prototype de capteur courbe appelé PixCurve. C'est pas le premier capteur de ce genre, puisque des groupes comme Sony ou même Microsoft ont déjà présenté des travaux et des prototypes de capteurs courbes, mais il s'agit d'une première française, surtout que les détails fournis par le CEA sont parmi les plus intéressants jusqu'à maintenant, nous dit 01net.com. Le laboratoire a dévoilé le type de capteur utilisé, un CMOS format 1/1/8 de pouce. 1 pour 1/8, bref, je sais pas comment on dit, c'est 1/1.8 pouces, de 1,3 mégapixels. Bref, la méthodologie de production est une belle illustration de ce qu'apporte un capteur courbe, un net gain de place du côté de l'optique. Une optique est en effet constituée de plusieurs lentilles, dont un certain nombre d'entre elles sont là pour corriger les défauts des autres. Les traitements de surface des lentilles de la chimie de haut vol permettent par exemple de limiter les aberrations chromatiques. Mais il faut toujours des lentilles spécialisées pour corriger par exemple le cheminement des rayons lumineux afin qu'ils se répartissent de la manière la plus homogène possible sur le capteur. C'est notamment le cas dans les coins, les points les plus éloignés du centre de l'image et donc les moins bien servis en photons. En courbant le capteur, le système optique basé sur des lentilles courbes, il n'a plus besoin de corriger l'image pour la projeter sur un élément plat, donc le capteur. On peut ainsi retirer les lentilles chargées d'aplanir l'image et, comme le démontre l'illustration du CEA, on peut obtenir la même qualité d'image avec une optique bien plus petite. Mais quand on parle d'optique, on pense évidemment au module caméra des smartphones. Ces appareils voient leur finesse limitée, notamment par les modules caméra dont la taille est actuellement quasi incompressible. Un frein évident à la miniaturisation, même si on peut tout à fait débattre de l'intérêt de continuer à réduire leur taille. C'est ce que je pense moi-même, même si l'article qui le dit, là, je trouve qu'on a les téléphones sont assez minces, ça me demandait si tu pourras plus les tenir, ils sont trop minces. Mais comment concevoir un capteur courbe? On n'avait pas eu l'information jusqu'à présent, mais le LETI CEA explique dans sa publication les fondamentaux de la procédure. On produit un capteur de 100 microns d'épaisseur, ce qui le rend flexible. On le colle ensuite sur un support en céramique sur lequel on ajoute les pistes électriques pour acheminer les informations. Une pièce de verre ultra fin est finalement placée au-dessus du capteur pour le protéger d'éventuels stress mécaniques. Ce procédé de production est non seulement intéressant pour les capteurs, mais aussi pour les viseurs électroniques. Dans un viseur, il y a un jeu de lentilles chargé de vous afficher sur la rétine l'image d'une toute petite dalle LCD OLED, et ce, avec un minimum de défauts optiques. En courbant une dalle LED OLED, on réduirait ainsi la complexité et donc non seulement le coût, mais aussi l'encombrement des viseurs électroniques. Mais pourquoi est-ce que l'industrie de la photo ne se jette pas à corps perdu dans le capteur courbe? D'une part parce que l'état de la recherche n'en est qu'au prototype, d'autre part parce que le capteur courbe a un défaut majeur pour la photographie classique. Il nécessite une focale fixe spécialement développée pour la courbure exacte du capteur. Les zooms sont pour l'instant proscrits et on ne peut songer à développer des optiques interchangeables car la moindre variation au niveau d'une lentille saboterait la qualité d'image. Les industries du smartphone et du monde de l'embarqué devraient donc s'emparer en premier de cette technologie de production incurvée. Mais reste à savoir quand, hein? Ensuite, on a parlé de trucs pliables. Donc, Samsung travaille sur un smartphone pliable, effectivement. À chaque année, on en parle, on dirait. C'est toujours repoussé à l'année suivante. Mais cette fois-ci, le géant sud-coréen confirme l'information. Un tel appareil devrait voir le jour cette année. C'est durant la conférence d'annonce des résultats du dernier trimestre de 2017 que Samsung a confirmé son intention de lancer un smartphone OLED pliable en 2018. Et cet appareil pourrait, si on en croit certaines rumeurs, arriver avant la... pourrait arriver... Ah, pourquoi ça dit à la fin de l'année 2017? C'est l'article date de 2018. Bon. Donc, j'imagine que c'est 2018. Samsung devrait profiter de l'IFA pour dévoiler son Galaxy Note 9 qui s'en vient. Et peut-être qu'on pourra apercevoir ce fameux smartphone pliable. Il se pourrait qu'il s'agisse que d'un appareil en édition très limitée. Une manière pour Samsung d'au moins voir l'intérêt du marché pour un smartphone de ce genre. Je vous confirme que c'est bien 2018 et non 2017. On reste dans les smartphones et on reste dans les écrans avec un écran en diamant potentiellement dans votre prochain téléphone. Les diamants sur les smartphones des entreprises spécialisées en jouets électroniques de luxe pour personnes très riches ont déjà lancé des versions ultra chères de leur téléphone Android avec toutes sortes d'inserts précieux, notamment des diamants. Mais dans le cas dont on parle ici, c'est pas un bijou qu'on ajoute, mais c'est bien l'écran en tant que tel. Donc votre téléphone intelligent pourrait bientôt avoir un écran en diamant. Voilà. La majorité des constructeurs de smartphones utilisent aujourd'hui le Gorilla Glass, un verre renforcé chimiquement, ou encore des revêtements en saphir pour renforcer leurs écrans et éviter qu'ils explosent en petits morceaux dès la première chute. L'entreprise Akan Semiconductor, spécialisée dans les composants pour appareils électroniques, a annoncé que la prochaine étape sera le diamant. Akan qui avait déjà annoncé les premiers écrans en diamant pour 2018, mais il semblerait que la conception et la production soient en retard. Le lancement a été repoussé en 2019 et il y aurait déjà un constructeur qui s'est octroyé l'exclusivité de ces nouveaux écrans. Akan qui n'a pas annoncé de qui il s'agit pour l'instant, mais on connaît le nom de l'écran, c'est le Mirage Diamond Glass. Si Akan Semiconductor n'a pas dévoilé quel constructeur utilisera en premier le nouveau type de verre pour ses smartphones, il se pourrait bien que ce soit un constructeur du gabarit de Apple ou de Samsung. Le verre s'annonce d'ores et déjà très cher, plus cher que le Gorilla Glass 3. C'est pour ça qu'on s'adresse seulement aux compagnies qui font des téléphones un petit peu plus luxueux que d'autres. De quoi confirmer la thèse selon laquelle le prix des smartphones est destiné à continuer d'augmenter. Un téléphone à plus de 1000$, on est habitué d'avoir ça de nos jours. C'est pour ça qu'on les prend en contrat. Hein? Voilà pour la première partie du bloc. On va en faire une deuxième tantôt. On va parler entre autres de lunettes connectées projetant une image directement sur la rétine. Et on va aussi parler d'un cache caméra sur les nouveaux portables HP Elite Book. Mais pour l'instant, on écoute une troisième pièce de l'album qu'on a commencé à écouter tantôt. C'est Reprisal de Harry Lodes. On écoute Dragon Roost Island. MPS, le Mathieu Plante Show. C'est fou! 89.1. Thank you. le synthétiseur et la musique épique de guitare des années 80 par Maroon. L'album s'appelle Humanity. Et ça, c'était la pièce Humanity précédée de Breath of Life. On va se quitter avec une troisième pièce tout à l'heure, Frozen Margaritas, à la toute fin de l'émission. Mais avant ça, on était dans CNX tantôt. Donc, on parle de nouvelles cool, de choses nouvelles. Cool, nouvelle et extrêmement intéressante. C'est ça d'habitude le slogan? Il me semble que oui. Bref, Intel présente ses lunettes connectées projetant une image sur la rétine. C'est The Verge qui a dévoilé l'un des nouveaux projets d'Intel, une paire de lunettes connectées qui a l'avantage de ne pas ressembler à un énorme engin technologique comme les Google Glass d'antan, hein, et ça projette des images sur la rétine. On propose des lunettes capables d'un tas d'options permettant d'augmenter la réalité et lui offrir à cette réalité-là une nouvelle tournure. Beaucoup de constructeurs semblent s'atteler à la tâche pour proposer la paire la plus performante et poussée possible. Et c'est donc dans cette optique qu'Intel vient de présenter son produit baptisé Vault. Cette paire aura la particularité de projeter donc des images directement sur la rétine, donc de vos yeux. Je dis donc beaucoup trop souvent aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. J'ai jamais ce mot-là, il me semble d'habitude. Intel a donc eu l'idée de proposer, c'est peut-être parce que l'article l'écrit, de proposer un laser de petite puissance combiné à un réflecteur holographique permettant de projeter sur la rétine de l'utilisateur de simples images. Grâce à cette technologie, plutôt qu'un écran sur les verres affichant des informations, un supérieur d'Intel pense atteindre une autonomie de 18 heures malgré la petite batterie intégrée dans la paire de lunettes connectées. Difficile cependant de ne pas grincer les dents en imaginant un laser projeté directement sur notre rétine, une modification corporelle qui aura peut-être du mal à être adoptée par les utilisateurs dans un premier temps. Bien sûr, rien ne dit que le projet sera mené à terme ni même commercialisé en version finale. Nombreux sont les objets connectés à avoir été abandonnés même lorsqu'un prototype était déjà conçu. À noter que les lunettes connectées d'Intel baptisées Vault seront proposées aux développeurs dans une phase de bêta-test. Intel devra évidemment faire face à un tas d'autres concurrents sur le marché qui souhaitent s'emparer de la réalité augmentée. Parmi eux, on retrouve HoloLens de Microsoft et Magic Leap, une réalité augmentée qui fait déjà ses preuves sur nos téléphones intelligents grâce à des jeux au succès considérable comme Pokémon Go ou le AR Kit d'Apple dans iOS 11. D'ici 2021, on dit que ce sont 20 milliards de dollars annuels qui seront investis dans la réalité augmentée et virtuelle d'après le cabinet IDC. Ensuite, un cache caméra sur les nouveaux téléphones, sur les nouveaux portables, les ordinateurs portables HP Elite Book. Depuis quelques années, les ordinateurs portables intègrent tous une fonction de webcam placée en haut de l'écran. Ça permet d'utiliser de la vidéoconférence ou peu importe. Mais ces caméras sont également critiquées par les défenseurs de la vie privée. On sait que Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, met un petit papier collant sur son ordinateur portable. Et ordinateur de bureau. Bref, la question est réelle, si bien, c'est ça. Okay, ouais, c'est ce que je disais, Mark Zuckerberg. Bon, comme le rapporte The Verge le 7 février dernier, le constructeur HP a annoncé, 7 février dernier, c'est aujourd'hui, le constructeur HP a annoncé de nouveaux ordinateurs portables de sa série Elite Book, donc les Elite Book 830, 830, 840 et 850. Ces ordinateurs ne sont toutefois qu'une simple amélioration de la gamme existante, n'apportant pas de grosses nouveautés au niveau technique. Mais HP semble avoir décidé de faire un effort dans le domaine de la protection de ses futurs utilisateurs en intégrant à l'écran un cache caméra. Il s'agit d'un simple clapet glissant qui permet de bloquer le champ de vision de la webcam intégrée et qui permet donc d'éviter d'être espionné, alors qu'on sait pertinemment que des logiciels permettent d'activer la caméra à distance et de filmer à l'insu l'utilisateur. On se demande d'ailleurs pourquoi ce type de solution n'est pas encore un standard chez les constructeurs d'ordinateurs portables, nous dit Klubik, toujours avec des petits commentaires le fun là. HP lance une option encore très rare chez les constructeurs d'ordinateurs portables, et ce malgré les inquiétudes que les webcams soulèvent en termes de protection de vie privée. Certaines webcams filaires intègrent depuis plusieurs années la même fonctionnalité qui apporte une importante sécurité sans coûter très cher aux constructeurs. C'est un bout de plastique quand même. HP souligne néanmoins la difficulté technique d'intégrer un clapet dans l'écran. La version touchscreen des Elite Book ne présente pas ce clapet à cause de problèmes de place dans l'écran lui-même. Quelque chose de cool ici, un podcast scripté pour Marvel. Intéressant, les podcasts sont de plus en plus populaires. Donc après les comics, les films, les séries ou encore les jeux vidéo, Marvel va se lancer dans les podcasts et les balado-diffusions scriptées avec Wolverine The Long Night. Les aventures de Wolverine incarnées par Hugh Jackman sont peut-être terminées depuis Logan l'an dernier, mais Marvel n'en a pas terminé avec le célèbre mutant. En effet, la firme vient de dévoiler le trailer, la bande-annonce de Wolverine The Long Night, son tout premier podcast scripté. De durée de 10 épisodes, cette aventure audio a été écrite par l'auteur de bande dessinée Ben Percy et réalisée par Brendan Baker. Le récit suivra les agents Sally Pierce, joué par Celia Keenan-Bolger, et Tad Marshall, joué par Atto Essando, alors qu'ils arrivent dans la ville fictive, mystérieuse et visiblement gouvernement corrompu de Burns en Alaska. Ils vont enquêter sur une série de meurtres et rapidement découvrir que les habitants vivent dans la peur d'un tueur en série. Afin de suivre la piste de leur principal suspect, à savoir Logan, joué par Richard Armitage, qu'on a vu entre autres dans The Hobbit, ils vont être aidés par l'adjoint Bobby Reed, joué par Andrew Keenan-Bolger. C'est dans la même famille que l'autre, hein, Celia Keenan-Bolger. Le premier épisode sera diffusé le 12 mars prochain sur le service Stitcher Premium, puis chaque épisode arrivera de manière hebdomadaire. À l'automne 2018, le podcast arrivera ensuite sur d'autres plateformes comme iTunes, mais pour l'instant, c'est une exclusivité à The Stitcher Premium. Parlons de Nintendo maintenant. On a déjà parlé, ben en fait, on n'a pas parlé ici parce que tout le monde en a parlé. À un moment donné, j'essaie de trouver des choses un petit peu plus originales. Mais le film d'animation de Mario a quelques petits détails de plus, officiellement confirmé par le président de Nintendo, Tatsumi Kimishima, à la fin de la réunion des actionnaires. Shigeru Miyamoto revient sur le film d'animation Mario, qui sera coproduit par le studio d'animation Illumination Entertainment. Donc, lors du dernier briefing financier de Nintendo, la firme de Kyoto a dévoilé à ses actionnaires qu'un film d'animation s'en venait. Bon, ça, on le savait déjà. Avec Chris Meledandri, le fondateur et président de la société Illumination, bon, qu'on connaît pour les mignons. Le responsable créatif japonais à l'origine des licences Donkey Kong, on parle de Shigeru Miyamoto, lui qui a aussi travaillé sur Legend of Zelda, Star Fox, F-Zero ou Pikmin, a indiqué lors de cette fameuse réunion que la réalisation d'un film d'animation lui tenait à cœur depuis plusieurs années. Cependant, les processus créatifs d'un film et d'un jeu vidéo n'étant pas les mêmes, il souhaitait fortement s'associer avec une société ayant de l'expérience dans le domaine. Universal Pictures, qui est déjà partenaire de Nintendo dans la construction des attractions de Super Nintendo World, lui a présenté Chris Meledandri, avec qui il a rapidement accroché, car ils ont la même vision créative. Ce dernier lui a également indiqué qu'il voulait réaliser un film d'animation avec un coût raisonnable et respecter les dates limites, les deadlines. Miyamoto assure que l'entente mutuelle entre les deux était importante pour que la collaboration soit actée. Nintendo annonce donc que ça s'en vient, ce film sur Mario. On savait déjà, mais bon, les détails, c'est important. Justement, les détails, comme à savoir que Toad, on se demandait si sa tête était un chapeau, si le champignon était un chapeau ou une tête. Et bien, Nintendo a dévoilé la réponse à la question qui tourmente depuis des années de nombreux joueurs. Et bien, finalement, la tête de champignon de Toad est en fait sa tête et non pas un chapeau. Hein? Dans une vidéo de questions-réponses, Yoshiaki Koizumi, le producteur de Super Mario Odyssey, s'est pris au jeu et a répondu à de nombreuses questions de fans de la marque. Et à la question « Est-ce que la tête de Toad est un chapeau ou une tête? » il a répondu « Eh bien, il s'avère qu'il s'agit finalement de la tête de Toad. Je vais devoir vous laisser imaginer comment tout ça fonctionne, par contre. Peut-être y a-t-il quelque chose à l'intérieur. » Et il continue en disant « Pour être parfaitement honnête, je ne m'attendais pas vraiment à ce que ce soit un sujet parmi les fans. Une fois que j'ai entendu que les gens parlaient beaucoup du nombril de Mario, ça m'a fait réfléchir à la question de savoir si nous devions revoir le design du personnage. On sait que dans le plus récent Mario Odyssey, on voit Mario avec ses têtes. On voit ses mamelons, c'est ça. » C'est un petit costume qu'on peut porter, une jolie paire de boxeurs. Voilà pour le segment Geek CNX et voilà pour notre émission d'aujourd'hui par le fait même. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis de 15h à 17h. En rappel, les jeudis à 13h. Je dis aussi Assemblage Requis avec Tania Baudin du lundi au vendredi de 7h à 10h. Programmation sur CIF.ca. Note de l'émission et balado-diffusion sur assemblagerequis.com de la part de Frédéric Simon et du reste de l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Restez là pour Audiomatique pour les gens qui nous écoutent le mercredi et on se quitte avec une troisième pièce de Myrone, c'est Frozen Margaritas, tel que promis, à la semaine prochaine. Bye bye.